Radio Notre-Dame. La vie prend un sens. 7h34 sur Radio Notre-Dame. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Et tout de suite, une rediffusion du grand témoin de Louis Defresne ce matin avec Dominique Hérulin, ancien parachutiste dans le grand témoin. Le grand témoin. Louis Defresne. Si les Français l'appelaient « tonton », on a largement oublié qu'il était aussi un flingueur. Je ne parle pas de la fin de règne cafardeuse de François Mitterrand, mais du tout début. Une histoire, à la vérité, encore assez peu connue aujourd'hui, j'ai pu le vérifier en en parlant autour de moi, et que le 20e anniversaire de la mort de François Mitterrand permet de raconter. C'est vrai que c'est un petit peu un prétexte, les anniversaires, comme on le sait. Et de la raconter, cette histoire, avec celui qui en a été la première victime. Je veux parler de l'ancien militaire Dominique Hérulin. Une histoire qu'il a racontée d'ailleurs dans un ouvrage qui est apparu en 2002 et qui s'appelait, le titre est suffisamment éloquent, « Gibier d'État ». Gibier d'État donc, 14 années de cavale pour échapper aux barbouzes de François Mitterrand, c'était aux éditions Albin Michel. Ça a apparu, comme je le disais à l'instant, en 2002, et c'est Dominique Hérulin. Un nom qui est peut-être, alors je ne sais pas comment dire si le nom Hérulin est connu des militaires, puisque c'est une longue dynastie de militaires. Est-ce que le nom de Dominique Hérulin résonne encore aux oreilles des Français? On va peut-être écouter juste un extrait qui va... Voilà. Vous l'entendez, Dominique? C'est moi qui dois parler. Ouais. Bonjour. Pardon. Dominique Hérulin. Bonjour. Bonjour, Louis. Est-ce que vous reconnaissez la musique? La musique du professionnel, bien sûr, de Georges Lautner. Eh ben écoutez, c'est une très belle musique que j'ai écoutée souvent en Afrique, d'ailleurs, je me rappelle. Ennio Morricone. Oui. Georges Lautner, c'est celui qui a fait le professionnel. Oui, exactement. Et d'ailleurs, ça correspond exactement avec mon départ par les toits, on va dire. C'est votre vie. J'ai juste le film sorti à ce moment-là, juste après d'ailleurs. Alors il y a deux fins d'ailleurs, j'en avais parlé avec Georges Lautner, oui. Il y a deux fins en professionnel. Il y a, oui, une fin où Belmondo meurt avant d'arriver, oui, à l'hélicoptère, mmh, et il a tourné une autre fin qui n'est jamais passée, mmh, où Belmondo s'échappe. Ce qui me paraissait plus intelligent, parce que la fin dans l'hélicoptère était quand même légèrement bâclée. Moi, si je vous tire à 200 mètres une rafale de Kalachnikov, l'hélicoptère prend des balles et la victime aussi. Bon, alors là, il n'y avait même pas un trou dans le blouson, il n'y avait même pas un truc. J'ai trouvé que ça, c'était le seul truc qui m'a choqué un peu dans le film. Le reste étant tout à fait prévisible, dans ce monde particulièrement visqueux des services spéciaux, où on ne respecte rien et où tout le monde est quelque chose qu'on peut écraser si c'est utile. Le reste, c'est ce que vous avez vécu ? Oui, ce que j'ai vécu, c'est un truc qui est relativement atroce, dans la mesure où... moi qui suis, on va dire, républicain, je respecte les autorités par le milieu même dont je suis. Je suis pupille de la nation, j'ai servi la France à mon échelon. Et je ne parle pas de mes ancêtres ou de mes frères ou n'importe. Mais de toute façon, la chose est que d'un seul coup, parce que vous aviez réussi à gagner une surface quelconque dans le pays... moi, à l'époque, j'étais en pointe dans la sécurité, on va dire privée, et avec beaucoup de jalousie de la part de gens, même comme le capitaine Baril, hein, qui s'est empressé de prendre les contrats après, avec les émirs et tout. Et beaucoup de gens de la police étaient gênés par mon existence même, puisque j'avais un carnet de rendez-vous extrêmement fourni d'anciens parachutistes, anciens légionnaires, anciens tout, que je pouvais réunir des équipes en rien de temps et capable d'accomplir les missions les plus délicates. On est en 81 à l'époque donc. Hein. On est en 81. Et alors, moi, au mois de mai, vous savez d'ailleurs, leur confusion est remarquable, parce qu'on dit que je me suis sauvé en mai 81, après c'est des tas de choses. Moi, sous l'époque Mitterrand de mai 81, je me rappelle quand même que le jour de l'élection, quand Mitterrand est passé, je l'avais assisté au dernier débat avec Giscard, qu'on n'aimait plus, mais quand même, il avait été lamentable. Il faisait que des attrapes, il ne répondait pas, il était gêné, on voyait bien qu'il ne faisait pas le poids. Je le voyais battu. Et le fait qu'il ait gagné m'a paru quand même quelque chose qui n'était pas normal. D'ailleurs, il y avait un rejet de Giscard énorme. Hein. Il y avait un orage terrible sur Paris, d'un tonnerre. Ah. Dieu n'était pas content. Hein. Bon, donc c'est comme ça que je l'avais vécu. Mais après, Ben, très bien, moi j'ai eu au contraire des tas d'opérations, des patrons qui n'étaient pas tellement contents du nouveau régime socialiste m'ont utilisé avec mes équipes pour faire des déménagements de stock, réussir à tout malgré. Et disons, je vivais très bien. Mais est-ce que vous avez cru, Dominique Hérulin, en 81, quand Mitterrand a été élu, est-ce que vous avez cru, comme beaucoup de Français, qu'il y aurait les chars soviétiques à Paris, avec quatre ministres communistes au gouvernement, que c'était la fin d'un monde, et on n'était même pas sûr que les institutions de la Ve République perdureraient? C'était peut-être un fantasme, mais est-ce que vous y avez cru, vous? Moi je suis quand même le contraire d'un fou. Ce qui d'ailleurs, gêne beaucoup mes adversaires. Parce que, vous voyez, j'aurais voulu tuer Mitterrand, vous vous rendez compte. Il faut quand même que ça se passe dans un cadre, qu'il y ait quelque chose. Et le truc, il est que, de toute façon, moi, le fait qu'il s'appuie sur les communistes, bon, ben, De Gaulle s'est appuyé sur les communistes, tout le monde s'appuie sur les communistes. Bon, moi, les communistes, c'était quand même un ennemi, hein, parce que mon père était tué en Indochine. Je me rappelle comment les communistes traitaient les gens qui ont risqué leur vie là, pour la France. Et maintenant, moi, le Mitterrand, c'était un politique. Hein, qui a été... Mais en mai 80, vous n'étiez pas dans un esprit ni subversif. Absolument pas. Vous n'avez pas été contacté par qui que ce soit pour faire quoi que ce soit. Absolument pas. Non, j'ai été extrêmement déçu de voir une nuée de mes contacts policiers ou autres commencer à rentrer les oreilles, à devenir... À essayer de trouver comment ils allaient pouvoir rendre service, essayer de ne pas être écartés, enfin oui. Mais ça, c'est les fonctionnaires. Moi, je n'étais pas un fonctionnaire, j'emmerde tout le monde. C'était la peur des mutations, simplement, oui, c'est oui, tout. Oui, voilà. Et bon, bon, moi, le Mitterrand, il me foutait la paix, jusqu'au moment où son entourage l'a complètement... lui a fait croire qu'il était, dans le... Comment dire, c'était le président chilien. Ils ont eu le syndrome Allende. Hein, on lui a dit qu'il allait avoir des tas d'attentats, que si, que ça. Et il y a des gens comme nouveau directeur des RG, qui était un type Paul Roux, que je ne sais pas pourquoi ce flic, depuis l'Algérie, me haïssait. Donc c'était le premier qui a déposé une note blanche pour dire que je préparais des actions violentes, etc. Bon, moi, personnellement, c'était une perte, d'abord perte de ma vie, perte de tous mes biens. Du jour au lendemain, on m'a dit, ben, il faut que tu files, hein, parce que là, ta vie, il va y avoir un accident grave quand on va t'arrêter. Et d'ailleurs, quand ils racontent mon arrestation ratée, ils disent que j'avais 8 décembre 81. Des bâtons de dynamite, que j'avais un revolver abondamment approvisionné. Il faut l'inventer, ça aussi. Et que j'avais promis de faire sauter tout le quartier. Alors, pour promettre tout ça, il faut en parler, pouvoir parler avec quelqu'un. Mais au début, ça m'a amusé. Hein, je pensais, d'abord, on m'avait dit, t'inquiète pas, il meurt dans 2 mois. Hein, C'est vous qui allez être éliminé. Non, moi, on m'a dit que j'allais être éliminé, qu'il se passerait des choses bizarres au moment de mon arrestation. Et de toute façon, qu'avant de pouvoir faire entendre quoi que ce soit, il y en avait pour quelques années au trou, dans les meilleurs des cas. Donc moi, je n'étais pas preneur. Et deuxièmement, à l'époque, j'avais encore beaucoup de muscles. Bon, moi, j'étais de mauvais poil. Hein. Je suis parti quand ils ont voulu m'arrêter. J'ai foutu le camp par mon numéro d'équilibriste. Invraisemblable, hein, c'est raconté, mais bon. Et de toute façon, au début, moi, je pensais partir pour rien. Parce qu'en fait, le prétexte qui a déclenché tout était les armes de foi dont on oubliait cette histoire. Et donc, il fallait absolument que par les gendarmes, qui étaient déjà à l'Élysée, que ça soit un commando très, très, très perfectionné, et qu'il y avait un seul type en France qui pouvait monter une histoire comme ça. Et c'est ça, un dépôt d'armes à foie dans l'Ariège, qui a été dévalisé. Oui. On a supposé que c'était vous, on vient vous arrêter, et puis vous passez entre les mailles du filet policier. Et Dominique Hérulin, on va revoir votre itinéraire, et puis... Essayez de comprendre ce qui s'est passé il y a maintenant, évidemment, un certain temps. Oui. Mais c'est votre vie, après, qui a totalement basculé pendant 14 ans. Vous êtes parti... Vous avez eu des protections, heureusement, pendant 14 ans, qui vous ont permis de survivre, parce que vous étiez traqué par l'Élysée. Et nous sommes dans un endroit chrétien. Je veux dire, Dieu m'a beaucoup aidé aussi. On ose l'imaginer. Mmh. 26 janvier 1938, vous voyez le jour à Saint-Dié-les-Vosges, au sein d'une brillante dynastie de militaires. Votre grand-père, votre père et l'un de vos frères étaient tous colonels lors de leur mort. Votre frère, Philippe Hérulin, était à la tête des 700 parachutistes qui ont sauté sur Colvézi en 78. Vous avez été élevé à la dure, petit dernier d'une fratrie de 5 enfants, une famille où, dites-vous, les gens réussissaient bien dans ce qu'ils faisaient. Vous rêviez de devenir un corsaire, de mener votre barque pensionnaire chez les curés, enfant turbulent, votre père vous surnommait le Marcassin Noir. Ça, c'est curieux comme prénom, enfin surnom. C'est parce que j'avais des raies de crasse quand je les fouillais dans les greniers, que j'aimais beaucoup. À 18 ans, vous faites partie de ceux qui investissent le siège du Parti communiste à Paris. Alors c'est quoi? C'est déjà un coup d'État? Non, c'est l'affaire de Budapest. Vous savez, Budapest, ouais. Là, quand, moi, j'étais étudiant encore. Hein, j'étais juste... Donc, on est en 56, ça, On est en 56, là, je crois. 56. 56. Hein, je venais de sauter, faire mon premier saut, en parachute, d'ailleurs. Et je suis avec quelques potes du cours Polès, où je préparais tranquillement mes bacs. Et on était à côté du siège du Parti communiste. Et il y avait juste une manif monstre qui s'est déclenchée. Donc, évidemment, on a terminé la soirée là. D'ailleurs, j'avais pris un pavé sur la tête, vous voyez. Donc, ce qui m'a servi d'excuse quand je suis rentré chez moi, couvert de sang, ma mère m'a pardonné tout de suite. Mais, si on avait pu forcer les portes en bas, on les aurait lynchées. De là-haut, ils tiraient des machines à éclire, n'importe quoi. Donc, vous étiez en première ligne contre... Oui. Et alors, on a eu l'idée de monter avec un groupe d'alpinistes, on va dire. On est monté par les escaliers d'un autre immeuble, on est passé par les toits. Déjà Jean-Paul Belmondo. Et on est rentré en arrachant un petit peu des trucs dans le siège du parti, où on s'est retrouvé avec beaucoup de tracts, beaucoup de trucs, et on a commencé à vouloir mettre un peu le feu, mais enfin, finalement... On était un peu submergés par la milice qu'il y avait encore là-dedans. Mais pour dire tout ce qu'on veut, on était repoussés, il faut le reconnaître. Et après, des heures sont arrivées, des cars venant de banlieues qui étaient déjà, des ouvriers immigrés qui étaient contrôlés par eux. Donc, ils ont fait une contre-manifestation à ce moment-là, enfin très tard dans la nuit. Mais les cocos sont passés très près de se faire lyncher, hein, parce que la porte résistait en bas avec des trucs qu'on a essayé d'enfoncer. Et alors, ils nous balançaient tout ce qu'ils avaient, des machines à écrire, les bouteilles d'encre, les trucs. Les meilleurs politiques se sont finalement pas mal pacifiés par rapport à cette période. Oui. Parcours singulier que le vôtre. Vous dites que vous êtes spécialisé dans les choses hors du commun, être un aventurier. Marion Duchesne retrace votre itinéraire. Dernier de la fratrie, j'étais le révolté. Je voulais tout faire, raconte Dominique Hérulin. Ma curiosité était très grande. Il aurait aimé être général de hussards sous Napoléon, mais n'a jamais supporté cadre strict. Il prépare pourtant Saint-Cyr, un stage en Algérie en 1958. Dominique Hérulin y retourne comme para. Son combat pour l'Algérie française, le putsch des généraux, l'attentat du petit Clamart. Il raconte tout dans le premier tome de ses mémoires, La Grande Piste. J'ai été très marqué par la guerre d'Algérie, un drame abominable, répète l'ancien légionnaire. On nous décrit comme des tortionnaires, des criminels, trop incontrôlables, trop indépendants. Dominique Hérulin est l'un des premiers à voler en aile delta. En 1968, il devient champion du monde de parachutisme, plus tard vice-champion du monde de taekwondo, une discipline de vie, dit-il. Cascadeur sur le tournage de La Grande Vadrouille, de La Folie des Grandeurs ou encore de Borsalino, il sert de doublure à Belmondo et Ventura. Il dirige également le service d'ordre de plusieurs candidats de droite à l'Élysée. Dominique Hérulin est loin d'imaginer qu'il va devenir l'ennemi public numéro 1. 14 années de cavale, qu'il raconte dans Gibier d'État. En 1981, lors de l'élection de Mitterrand, j'étais un gros responsable de sécurité privée. J'avais beaucoup de contrats, cela énervait certains policiers, raconte Dominique Hérulin. Impossible cependant de dire qui a été le premier à affirmer qu'il voulait tuer le président. On m'a fait passer pour une tête brûlée. Une légende reprise par la cellule antiterroriste de l'Élysée et son dirigeant, le commandant Proutot, pour légitimer son existence, explique-t-il. Dénoncé comme bandit dans une affaire de vol, il est condamné à 20 ans par contumace. L'Italie, l'Afrique, la Suisse et enfin le Paraguay qui lui accordent l'asile politique et où il devient colonel, formant les parachutistes. Quand les barbouzes me retrouvaient, je fuyais souvent au dernier moment, tout abandonné pour tout recommencer. La lassitude a fini par prendre le dessus. Ce qui n'empêche pas Dominique Hérulin d'accomplir quelques missions pour les services de renseignement français. Arrêté peu après son retour en France en 1995, Dominique Hérulin va finalement être libéré le jour de la mort de Mitterrand. Aujourd'hui, l'aventurier se dit un homme blessé, déçu par le monde actuel car il ne s'y reconnaît pas. « Je n'ai jamais dit que j'étais un saint », conclut Dominique Hérulin. « Je suis un type normal qui dérange parce que je peux dire la vraie vérité. » Type normal, je ne sais pas quand même, Dominique Hérulin. Mais il y a une chose alors qu'on va essayer de comprendre, parce que bon, là ce sont les 20 ans de la mort de François Mitterrand. Donc si on repasse un petit peu le compteur jusqu'en 1981, 8 décembre 81, on vient vous chercher pour vous arrêter, vous vous évadez par les toits, c'est absolument rocambolesque, c'est fort bien raconté dans votre ouvrage. Mais est-ce que vous n'avez pas été, vous qui dites gibier d'État, hein, je suis un gibier d'État, est-ce que vous n'avez pas été le dindon d'une farce présidentielle, Dominique Hérulin? Parce que pourquoi vous a-t-on pourchassé? C'est quand même pour justifier l'existence de la cellule antiterroriste et pour protéger la famille adultérine de François Mitterrand? C'était ça l'idée? Mais vous ne le saviez pas à l'époque? Mais non, mais je ne savais pas, bien sûr. Moi, je suis un ignorant. Par contre, j'avais quand même quelques contacts qui me renseignaient sur la chasse qui commence à bouger. Je sais quand même qu'on m'a poursuivi en Italie, on m'a poursuivi partout, ils me voyaient partout, de toute façon, stérile. Mais même des membres de la cellule me donnaient quelques renseignements pendant un moment. La DST m'a aidé beaucoup aussi. Les gens de la DG, gens des services, oui, que vous les gens des services que je connaissais. Mais après, il y a eu une espèce de comment on appelle ça, un nettoyage, vous voyez, une épuration ethnique, on va dire. Vous perdiez vos contacts, oui, bien à sûr, des postes stratégiques. Et au point qu'on m'a dit, méfie-toi de à qui tu rencontres, parce que tu vas finir par te faire descendre par un ami. Et donc, de toute façon, c'est pas ça, c'est que partout où j'étais, finalement, on venait me voir avec les mots de passe qui convenaient, quelqu'un représentant les services, pour me demander quelques services. Mais est-ce que vous n'avez pas pu avoir accès à quelqu'un qui aurait expliqué la situation à François Mitterrand? Est-ce que François Mitterrand voulait vraiment voter? Ou est-ce que c'était là, c'est en tant que tel, qui vous traquait pour justifier son existence? Est-ce que vous avez pu mettre au clair cette chose-là? J'ai pas pu mettre au clair, bien sûr, si au contraire, j'ai quelques documents où je vois que Mitterrand donne le feu vert, finalement. Mais après avoir ne pas avoir été tout à fait d'accord avec des interventions définitives, mais il ne dit pas vraiment qu'il est contre l'opération Homo, qui est quand même déclenchée. C'est le nom de code. Oui. Mmh. Et en fait, il s'est laissé intoxiquer, mais il a quand même accepté. Non, il était peut-être plus intelligent que les gens qui l'entouraient. Parce que des gens comme, vous voyez, qui a écrit L'œil du pouvoir, Gilles Ménage, par exemple, était tout excité comme une espèce de fonctionnaire qu'il est, quoi. Alors, il était descendu à Latché avec Proutot, voir le président. C'était, oh, dans les comptes, la nation est en danger, et on sait où il est, il faut absolument faire une opération, la liquider, ce type, immédiatement. Donc, on a des documents, vous voyez, où ils ont... là, Mitterrand était équivoque comme tout ce qu'il était, en fait, parce qu'il a toujours pris un peu toutes les positions. Hein, Il n'y avait pas de cellule antiterroriste avant l'Élysée? Ah non, non, non. Et si vous voulez, avant la cellule officielle, il y avait déjà les gendarmes, puisque Mitterrand gardait une rancune contre les services de police officiels. Je ne sais pas, pour peut-être ses espoirs précédents, qu'il avait peut-être eu à se plaindre de différents trucs, mais il se méfiait de la police. Donc il avait pris les gendarmes. Et il a trouvé des gens... c'est d'ailleurs assez marrant, vous voyez, de dire la gendarmerie, en principe, était plus ou moins... Enfin, elle est républicaine, mais enfin, normalement, c'est la première fois que les socialistes débarquaient. Ça paraissait bizarre que le corps de gendarmerie bascule à gauche complètement, sans état d'âme. Ça me paraissait quand même quelque chose d'assez bizarre. Mais vous voyez, des gens comme Proutot, fils de gendarme, Baril, fils de gendarme, tout ça n'étaient pas des gens de gauche. Bon, mais ils ont donné à fond là-dedans, comme beaucoup de policiers d'ailleurs, qui voulaient absolument ne pas se faire oublier. Alors là-dedans, ce qui est le plus révoltant, c'est simplement qu'il y avait Dominique Hérulin qui était la cible qu'on sacrifiait délibérément sans avoir rien contre lui. Hein. Aucun mobile, aucune preuve, rien. Rien. Il n'y a pas eu de procès, vous n'avez non, jamais témoigné. Non, il n'y a jamais eu de procès. Mais par contre, vous voyez, on en est. Moi, c'est les 20 ans de la mort de Mitterrand, c'est les 20 ans de mon retour, donc, puisque j'étais lâché le jour de sa mort. Et maintenant, là, j'arrive d'Amérique du Sud, où on est en train d'essayer de me déranger là-bas. avec des projections sur Mitterrand. Il y a 15 jours, 3 semaines, à Asunción, au Paraguay, ils ont passé un énorme truc sur Mitterrand, qui avait vécu 14 ans dans la peur complète de se faire descendre par un mercenaire armé d'un fusil, alors, qui était réfugié par là. Et ils avaient amené des poseuses de bombes d'Alger, avec l'avocat, d'ailleurs, William Bourdon, qui est toujours dans les coups contre la France, qui est l'ancien avocat de la mère Mitterrand, je l'appelle la mère Mitterrand. Et tous ces gens-là, on débarque là-bas et intoxique tout le monde, contre les parachutistes français, qui de toute façon sont venus en Amérique du Sud après l'Algérie pour former les tortureurs de tous ces pays. Donc c'est une histoire qui continue. Et voilà, ça même continue 20 ans après. En ce moment. Oui. Et vous n'avez jamais pu, par exemple, obtenir, je ne sais pas, une forme de justice, même dans les médias, dans la presse. Eh bien, écoutez, je vais vous dire, moi, il y a quelqu'un qui était venu me voir, c'était Jean Montaldo, à l'époque de sa splendeur, était venu me voir au Paraguay pour écrire Les voyous de la République, un truc où il, en principe, il parle beaucoup de mon affaire. Et je lui avais dit, moi, je veux bien collaborer, mais je voudrais qu'on publie mon manuscrit, personne ne veut en entendre parler. Donc il m'avait dit, je te ferai publier. Et c'est comme ça que Gibier d'État est passé, finalement. Mais c'était l'affolement complet, car, comme je crois que je vous l'ai dit, en 2002, quand date du lancement, au moment de ça devait être le livre de l'été, d'ailleurs, c'était le livre du mois en même temps. Jean-Marie Le Pen arrive au second tour. Là, c'est franchement un coup de l'histoire. Alors, j'ai eu beau leur dire que Vous n'étiez pour rien, que c'était pas grave non plus, que c'était plutôt ces gens-là qui allaient lire ce livre, mais sûrement pas la collection de militants que... Et vous étiez pourchassé par le destin, là, en fait. Ben, il y a eu quand même une coïncidence. Certains disent que je paye sûrement quelque chose que j'ai fait avant, j'en sais rien. Il y a des gens comme ça qui vous expliquent qu'on a plusieurs vies. Mais moi, personnellement, je dois reconnaître, premièrement, je suis assez fort pour... Je suis assez fort pour me créer des ennuis, quand même, parce que je suis franc dans ce que je dis, je ne dis pas ce qu'il faut. Vous êtes là pour le dire, justement, Dominique Hérulin. Vous restez avec nous, l'édito de Gérard Leclerc, Gibier d'État, on en parle ce matin. Alors, tes vacances, Christophe ? Cette année, avec mon père qui n'est plus vraiment autonome, je me vois mal le laisser tout seul. Appelle Senior Compagnie, s'occupe de ma mère, de la toilette au repas, en passant par les levées et couchers, l'entretien et même des gardes de jour ou de nuit. Ils sont vraiment à l'écoute et réactifs. Senior Compagnie, un service d'aide à domicile dédié aux personnes âgées et handicapées. Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une prise en charge complète grâce à un personnel formé et expérimenté. Senior Compagnie, plus qu'une aide. Une compagnie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.senior-compagnie.fr. La lutte contre le réchauffement climatique, c'est l'affaire de tous et l'engagement de chacun. C'est pourquoi la Maison de la Fenêtre s'engage à vous proposer des produits haute performance posés par des professionnels certifiés Calibat RGE. Porte-fenêtre, volet roulant, avec la Maison de la Fenêtre, vous gagnerez en confort de vie, en énergie, tout en valorisant votre patrimoine. En ce moment, profitez de 20% de remise et du crédit d'impôt. La Maison de la Fenêtre à Villejuif. 01 42 11 03 03. 01 42 11 03 03. Voir conditions en magasin. Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame. Cette fin d'année, je viens vous remercier pour votre soutien et vos encouragements. Grâce à vous, nous essayons d'améliorer les programmes et de limiter les rediffusions. Mais aujourd'hui, je me dois aussi de vous alerter sur le fait que nous avons besoin de vous pour boucler les dépenses de 2016. Alors si vous avez manqué le radiodon ou si vous avez pensé que votre soutien n'était pas indispensable, merci de penser à nous lorsque vous ferez vos arbitrages en fin d'année. C'est important. Envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet à Paris dans le 14e. Je vous enverrai votre reçu fiscal 2016 dans la foulée. Merci. Radio Notre-Dame. 7h55 sur Radio Notre-Dame. On écoute tout de suite le mot du père Jean-Marie Crespin. C'est à vous, mon père. Bonjour. J'ai toujours été interrogé, mais pourquoi autour de la venue du Christ tant de souffrances ? D'ailleurs, il suffit de regarder l'actualité. Pourquoi autour de nous tant de souffrances, tant d'injustices ? Mais cela veut dire quoi ? Et il n'y a pas de réponse. Il y a simplement cette stupeur, cet effroi devant cette monstruosité du mal. Et puis il y a la douceur de l'enfant qui vient nous montrer une autre voie, non plus la voie de la violence, mais la voie de la douceur, non plus la voie de l'arrogance, de la réaction, mais la voie du silence. Je ne peux pas répondre pourquoi tant de souffrance. Mais en revanche, j'ai la certitude que, en accueillant, en ce temps béni de Noël, la venue du prince de la paix, il y a quelque chose de la souffrance qui trouve son sens. Ce sens, il est en chacun d'entre nous. C'est le Seigneur qui nous permet de le trouver. Merci Père Crespin, on vous retrouve demain. Bientôt 8h sur Radio Notre-Dame, ne bougez pas, juste après les informations, vous retrouverez la suite du Grand Témoin avec Louis Dauphren. Une rediffusion bien sûr en ce temps de Noël, mais tout de suite les infos, il est 8h. Bonjour à tous. Les autorités maliennes et les soldats français de l'opération Barkhane mobilisés pour retrouver Sophie Pétronin. Cette humanitaire française a été... Sophie Pétronin dirige une ONG d'aide à l'enfance. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour enlèvement et séquestration. Le Premier ministre japonais rend hommage aux victimes de l'attaque de Pearl Harbor. Il est attendu aujourd'hui à Hawaï. Il y rencontrera Barack Obama puis se rendra à Pearl Harbor. C'est la première fois en 75 ans qu'un Premier ministre japonais s'y déplace. Il rendra hommage aux victimes de ce 7 décembre 1941, mais ne demandera pas pardon. Barack Obama, quant à lui, était le premier président américain à visiter Hiroshima cet été. Journée de deuil national en Russie, un deuil suite au crash hier d'un avion de l'armée russe en mer Noire. Aucun survivant, 92 personnes étaient à bord, dont des membres des chœurs de l'armée rouge. Ils allaient célébrer le nouvel an avec les troupes en Syrie. La Syrie où les Alepiens catholiques ont pu célébrer Noël dans la cathédrale de la vieille ville, une première en 5 ans. Le pape François a lui appelé hier dans son message de Noël à y trouver une solution à négocier. Et puis au sud du pays, à Damas, les habitants sont toujours privés d'eau courante et ce depuis 3 jours. Le régime accuse des groupes rebelles d'avoir contaminé l'eau au diesel. Israël n'accepte pas la résolution de l'ONU et convoque une dizaine d'ambassadeurs. Des ambassadeurs dont les États ont voté ce week-end cette résolution à l'ONU. Elle demande un arrêt immédiat de la colonisation par Israël en Cisjordanie. 14 pays sur 15 ont voté pour. Le 15e s'est abstenu. Il s'agit des États-Unis et c'est une première. Les Américains opposent habituellement leur veto. La rencontre entre le Premier ministre israélien et l'ambassadeur américain a eu lieu hier soir. Gérard Filoche assigne les organisateurs de la primaire de la gauche et le parti socialiste. Il conteste son éviction de la primaire de la gauche par les organisateurs. Il a rendez-vous aujourd'hui au tribunal de grande instance de Paris. Et justement, en parlant d'élections, si vous voulez voter en 2017 au présidentiel, mais également aux législatives et que vous n'êtes pas encore inscrit, eh bien c'est le moment. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour vous inscrire sur les listes électorales de votre commune. Et comme chaque année précédant une présidentielle, les mairies risquent d'être un peu chargées cette semaine. Jules Verne signait un tour du monde en 80 jours. Pour Thierry Coville, c'est en moins de 50 jours, 48 jours, 3 heures, 7 minutes et 38 secondes pour être précis. Le skipper français a bouclé son tour du monde hier en fin de journée. Un beau cadeau de Noël, il est attendu dans la matinée à Brest. Et puis Last Christmas, Faith ou Careless Whisper, des titres emblématiques du chanteur George Michael. Il est décédé cette nuit à 53 ans. Il a vendu plus de 100 millions d'albums dans le monde. Le grand témoin, Louis Dauphren. Dominique Hérulin, l'ancien parachutiste légionnaire victime de la cellule antiterroriste de l'Élysée sous François Mitterrand, gibier d'État, ça porte bien son nom parce que sa vie, c'est 14 ans de cavale sous François Mitterrand. Dès 1981, on en parle aujourd'hui, c'est une façon de célébrer le 20e anniversaire de la mort de François Mitterrand. On oublie ce qui s'est passé au tout début, la crainte du coup d'État venant de l'extrême droite à partir d'un fait divers, en fait, le fait qu'un dépôt d'armes à foie a été dévalisé, vous avez été accusé, et tout d'un coup, ce sont tous les services de la République, la cellule antiterroriste, qui se mettent à vous traquer toute votre vie, si je puis dire, sans relâche, à partir de ce 8 décembre 1981. Alors, ce que j'ai sous les yeux, parce que vous faites circuler des documents, Dominique Hérulin, là, c'est quand même un document qui, j'allais dire, qui vaut de l'or, hein, c'est néant pour le bulletin numéro 1 du casier judiciaire, qui est vierge, donc vous n'avez aucun casier judiciaire pour la section la plus élevée du casier judiciaire. Et puis, il y a des documents extrêmement intéressants de la présidence de la République qui, alors, ne sont peut-être plus disponibles aujourd'hui. Hein. Je présume que ça ne doit pas courir les rues. Parce qu'ils sont quand même extrêmement... On peut en lire une partie, là, juste... Oui, absolument. Faites une petite sélection. Quand on a été ennemi public numéro 1... Ah ben, de toute façon, ça changeait selon les étiquettes. Parce que, vous voyez, là, c'est un ami... quand j'étais passé la première fois en 2002, j'ai dû passer on m'a parlé de Gibier d'État, et là il y avait un éditeur qui avait téléphoné. Alors au GIGN, j'ai vu de mes yeux une fiche concernant Dominique Hérulin disant son appartenance à Action Directe et extrêmement dangereux et toujours armé. Et il m'a fait un témoignage officiel, hein, le type et tout, m'expliquait tout, comment c'était passé. Et donc ça, c'était le GIGN qui m'avait... j'étais plus de droite, j'étais devenu extrême-gauche. Et alors là, il y avait quand même un truc qui est pas mal de la part de Proutot au départ. Donc il commande la cellule antiterroriste. Il commande la cellule. Alors là, c'est l'attention de M. le Président de la République. C'est-à-dire, c'est vu et tout. Et c'est... Donc on avertit François Mitterrand. Et François Mitterrand, comme je vous en ai parlé il y a plusieurs mois, sur l'ensemble des problèmes concernant ma mission, j'ai apporté une attention particulière au cas de Dominique Hérulin. Alors au moment où nous avons pris cette affaire, grâce à des complicités intérieures de la police, la trace de Dominique Hérulin avait été perdue. Bon, alors, etc. Le juge d'instruction chargé de l'affaire a délivré un mandat d'arrestation internationale dans le plus grand secret. L'information précise que nous avons laisse sans aucun doute possible, ça c'est quand même formidable, penser que si des actions violentes sont organisées au niveau de l'extrême droite, elles le seront à l'évidence par Dominique Hérulin. Et c'est le chef de la sécurité. Vous n'avez pas de lien avec l'extrême droite, Dominique Hérulin ? Non, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Personne ne vous a commandité. Non, et je ne sais pas ce que c'est l'extrême droite, en fait. Parce que si c'est quelques types un peu fous qui s'habillent en cuir avec des crânes... Bon, ça ne me ressemble pas. Ça ne me ressemble pas. Ce qui est quand même étonnant, c'est que votre frère Philippe Hérulin, donc celui qui a sauté sur Colvézi... Oui, oui. Ça fait partie de l'un des épisodes, c'est peut-être le dernier épisode des années donc Giscard, et peut-être la dernière fois que la France va intervenir seule sur un théâtre d'opération, et ça aura marqué tous les esprits. Donc votre nom est quand même associé à un épisode glorieux de la République. Oui. Et François Mitterrand apparemment en a pris un petit peu ombrage, hein, c'est ce que vous dites aussi. François Mitterrand avait parlé d'une opération coloniale, hein, en parlant de Colvézi. Colvézi, c'était une opération coloniale pour lui. Autrement dit, je lui souhaitais d'avoir sa famille là-bas, parmi les otages. Mais c'était simplement pour faire son numéro. D'ailleurs, aussi sec, les communistes avaient pris attaqué mon frère torsionnaire, tout d'un coup, était devenu torsionnaire. Puis, quand mon frère maintenant est mort, c'est moi le torsionnaire. Vous voyez, je veux dire. D'ailleurs, vous dites que votre frère est mort dans des conditions suspectes. Hein. Ah, ça, bien sûr. Mon frère était un athlète. Nous, dans la famille, on ne meurt pas comme ça. Mon père est mort avec un obus 150 sous sa jeep en Indochine, et encore, il a fallu plusieurs jours pour mourir du souffle de la mine. Il avait en fait reçu sa jeep qui était remontée, qui était montée au ciel, qui était retombée dessus, et il n'y avait eu que la clavicule cassée. Ça, c'était votre père en Indochine. Oui, mon père en Indochine, un des maréchaux de Delattre, comme on dit. Et. De toute façon, je ne veux pas passer les exploits pour dire que dans la famille, on ne meurt pas comme ça. Hein. On vous fait ouh, non, vous ne tombez pas raide. Non, il faut mettre le paquet. J'essaye de dire que de toute façon, il y a eu une volonté très nette d'étouffer cette affaire qui gênait beaucoup de gens et qu'on n'en parle pas. Donc, c'est absolument éliminé de tous les manuels. Moi, j'ai été interdit d'être parti civil contre la cellule de l'Élysée, soi-disant on m'avait fait que du bien, et j'ai vu ma vie ruinée, j'ai perdu tous mes biens d'ailleurs, la France voulait bien, à la fin ils n'arrivaient pas à me tuer, alors ils voulaient que je meure de faim. Alors donc, comme ma mère étant morte, il y avait un héritage qui me revenait. Et donc l'État français s'est vite précipité là-dessus, et jusqu'à les dernières soultes, éventuellement en cash qu'on devait me verser, ont été piquées par l'État français. Alors, c'était vraiment jusqu'au bout, quoi. Ah, mais on m'avait même une guerre à mort. Je crois même qu'on m'a retiré mes droits civiques, des choses absolument colossales, vous voyez. Alors qu'il n'y a pas le moindre soupçon et qu'aujourd'hui votre casier est totalement vierge. Absolument. Dominique Hérulin, il faut rappeler deux choses. Il y a la cellule antiterroriste de l'Élysée, donc, qui est quand même destinée aussi à protéger la vie privée de François Mitterrand. C'est un truc qu'ils ont découvert. Et tous les journalistes vont rester muets pendant des années et ne diront rien sur l'existence de Mazarine. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que Christian Proutot vous pourchasse parce que vous auriez pu tout simplement être à sa place? Vous étiez légitime pour être à sa place. Ouais, en fait, il a éliminé un concurrent. En fait, je ne serais pas vraiment d'accord avec vous, parce qu'il avait quand même le prestige d'être le chef du GIGN, qui était un truc qui était assez respecté à l'époque. Bien qu'ils ont dévié, à mon avis, rapidement dans la politique. Mais en dehors de ça, c'est un gendarme. Moi, je suis un type qui n'a pas d'existence, bien sûr. J'ai été... pas d'existence, ça veut dire les services de renseignement. Oui, voilà. J'ai été chef de sécurité du ministre, du président par intérim. Comment s'appelle notre Poher ? Alain Poher. Président du Sénat. Et ensuite, j'ai été recruté pour la sécurité du candidat Giscard. En 1974, c'est ça. Donc Giscard n'avait aucun appareil politique, n'avait rien, aucun militant. Et donc j'avais été recruté et avec toute une équipe très importante, nous avons assuré sa réussite. Mais vous aviez le carnet d'adresses pour pouvoir prétendre à constituer la sécurité d'un personnage public de premier plan. C'est ce qui inquiétait beaucoup tous ces gens. Et comme je ne sais pas comment ils auraient été s'ils avaient été dans la même position que moi, peut-être qu'ils auraient eu des mauvaises pensées, mais moi, ça ne m'intéressait pas spécialement de comploter. Mmh. Hein, de toute façon, j'ai été éliminé, quoi. Éliminé. Je le gênais, j'ai été éliminé, sans aucun remords. Les conséquences sont que, par exemple, en ce moment, la France me paye royalement 350 euros par mois. Vous voyez, quand j'ai essayé d'avoir une retraite, on ne reconnaît pas toutes ces années où je n'ai pas été là. Et deuxièmement, tous mes trucs de cinéma, ça paraît bizarre, mais ils n'ont pas voulu On m'a dit, non, les productions n'ont pas payé à la sécurité sociale ou je ne sais pas quoi. Alors je dis, attendez... Donc les cascades de films, tout ça. Oui, alors on me disait, c'était à vous de vérifier qu'ils payaient... Donc vous ne touchez rien aujourd'hui de tout ce que vous avez fait. Non, je ne touche rien. Et de toute façon, c'est pas... Si j'étais un homme d'argent, j'aurais fait du bruit avant. Mais je trouve absolument lamentable. Ma marraine Tétinger, Monique Tétinger, qui était la femme de Guy Tétinger, qui était un oncle prestigieux et que j'aimais beaucoup, elle s'était énervée de ça et avait écrit à Jacques Chirac pour qu'on arrête de m'ennuyer quand même, cette persécution ridicule, et éventuellement comme des dommages d'ailleurs, avec ses fonds secrets, ses machins, et puis que je m'engageais, moi, à ne pas faire de bruit, comme d'habitude. Je suis un Français qui ne peut pas allumer des scandales inutiles. Or, Jacques Chirac a passé ça au ministre Perben, lequel l'a passé au directeur des affaires criminelles. Mon oncle Tétinger, qui était l'ancien ministre de la Justice, a envoyé un dossier spécial à Perben là-dessus, expliquant bien des choses. Ils lui ont répondu, d'ailleurs, pour dire qu'il passait aux affaires criminelles. Enfin, finalement, ils ont envoyé qu'il n'y avait rien à faire parce que je n'étais pas condamné. Voilà. C'est ça. Donc, en fait, aujourd'hui, vous êtes... Il n'y a rien, en réalité. Ouais. Comme s'il ne s'était rien passé, alors que votre vie, pendant 14 ans, a été celle d'un enfer où vous risquiez d'être éliminé à tout moment. Oui, absolument. Alors, racontez-nous, Dominique Hérulin, comment, à partir de ce 8 décembre 1981, sans raconter toute l'histoire, comment vous avez fait... Ah oui, c'est pas... alors, rocambolesque, comment... vous avez eu des amitiés, parce que c'est quand même une histoire d'amitié. Mm-hmm. C'est grâce aussi au réseau d'amitié que vous allez pouvoir survivre. Parce qu'on n'imagine pas ce que c'est d'être traqué. J'avais dit ça à un journaliste qui m'avait parlé, mais je lui ai dit, écoutez, je vous vois très bien, là, vous êtes rédacteur en chef, je ne me rappelle plus le nom de cette personne. Je vais vous dire un truc, rentrez pas chez vous, hein, parce que là, on vous attend, ça y est, c'est fini, hein, vous ne pouvez plus exister. Votre vie est terminée maintenant, si vous voulez survivre, filez. C'est la seule chose qui vous reste ouverte. Vous étiez marié à l'époque, hein ? Oui, j'étais marié. Oui, j'avais même une fille. Bon, ça n'avait pas l'air de gêner beaucoup les services pour voler tout ce que j'avais. Et de toute façon, pour revenir à... Attendez, parce qu'il ne faut pas que je perde le fil quand même. Vous voulez que je vous parle parce que justement, si je pars du professionnel, donc le film dont vous avez servi... Il était évident que je ne pouvais pas contacter les gens directement, puisqu'ils étaient tous... En face, ils étaient hystéros. Hein, ils me voyaient Robert Hossein, qui dans le film va... c'est un bon rôle pour lui, il est voilà. vraiment répugnant. Robert Hossein qui va chez votre épouse, en quelque sorte, oui, et qui va oui. exercer une pression sur elle. Ça, c'est ce que vous avez vécu. Oui, mais bon. je c'est pas moi qui dis que je suis le professionnel. C'est un film qui oui. existait juste à ce moment-là. Mais la chose est que, de toute façon, oui, j'ai connu ça. Ma femme était suivie pied à pied par d'ailleurs, heureusement que je me suis infiltré plusieurs fois en France, heureusement que je ne l'ai pas contactée. Parce que là, évidemment, j'aurais été coincé à plein de fois. J'ai échappé avec beaucoup de baraka, la protection divine, et puis les amitiés, comme je vous dis. Et beaucoup d'amitiés féminines aussi. J'allais dire, les femmes sont souvent plus braves que les hommes. Quelqu'un dit, que vous citez, en Russie, vous auriez été fait général. Effectivement, vous savez, ça paraît absolument ridicule. Oui, ah oui, oui, d'ailleurs. J'ai plusieurs trucs. Ça, c'est un gars des services. Les Russies de l'époque, hein. Oui, qui était un ancien légionnaire, d'ailleurs, d'origine roumaine, je crois. Et avec qui, pendant un moment, j'ai fait pas mal de missions. Et lui, il m'avait dit, mais... Vous, les Français, vous êtes quand même des gens extrêmement bizarres. Vous avez toujours besoin de prendre des étrangers pour les mettre à vos postes de responsabilité. Un type comme toi, en Russie, serait des générales. Mais j'ai une chose que je vais dire, c'est pas seulement ça. Au moment de ma fuite, j'avais, pour la DSC, enfin, en marge, j'étais en contact avec la fille de l'espion Georges Pack, qui était, qu'on soupçonnait d'être une agente du KGB, parce que la fille de Georges Pack a eu un accident à Moscou très grave, et on disait que cette nouvelle... ça était impossible qu'un Européen parle ainsi le russe. Donc on la soupçonnait d'être un agent du KGB. Bon, j'ai eu une très bonne relation avec elle, et elle, quand j'ai eu affilé, m'a fait passer un message de venir me réfugier à Moscou, hein. Ce que j'ai trouvé sensationnel, ouais. Me retrouver avec les gens que je combattais tout le temps, c'est ceux-là qui voulaient bien me tendre la main. Les États-Unis n'ont pas cherché à vous approcher ? Si, j'ai eu de ce côté-là, mais les Américains changent de chemise, changent d'avis comme de chemise, vous voyez. Mes premiers travaux avec eux étaient la DEA, là, le service anti-drogue, et après... la DEA envoyait quand même un beau téléx en m'accusant d'être un terroriste français qui faisait des trafics d'or avec l'Afrique du Sud, enfin je sais pas quoi, des trucs déments quoi, que vous avez envoyés. Donc si vous voulez, vous êtes... Donc il n'y a rien de vrai là-dedans Non, mais vous êtes trahi par des tas de choses. Après, ils m'ont proposé d'entrer aux États-Unis où je disparaissais, plus d'identité, enfin, etc., et de rentrer dans un corps spécial où on n'a plus d'identité, qui m'est venu beaucoup trop tard. Disons que je m'étais déjà plus ou moins rétabli. J'avais pas... On me parlait qu'un retour en France devenait possible. On me disait, on va te confier une mission dans tes possibilités, et puis tout sera oublié, tu seras reçu. Je disais que tout sera oublié, quoi. Mais enfin, bon. Comment ça se passe, Dominique Hérulin, quand on appartient à des services de renseignement ? Vous avez déjà tué pour des missions, pour la France ? C'est une bonne question. Non, vous savez, quand on tue, c'est toujours... Le service action, non, c'est lui qui... C'est toujours de mauvais souvenirs. Ouais. De toute façon, moi, je suis ça, pas... Ça veut dire oui ou ça veut dire non ? Je suis pas un tueur. Je vais vous dire que... vous voyez, vous êtes par exemple dans un régiment parachutiste, vous accrochez, c'est pas le régiment qui accroche, c'est une section ou même une équipe de voltige ou n'importe quoi. Mais si c'est vous qui accrochez, ben vous accrochez. Bon, vous allez. Accrocher, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, si vous avez un accrochage, vous accrochez l'ennemi là, ouais. là qui vous tire dessus. Vous combattez, voilà. Voilà, vous êtes là. Et il est normal que vous tuiez le type si vous voulez pas mourir. Oui, mais je parle pas d'une configuration de combat militaire. Non, bon, j'ai compris. Oui, ben, bien sûr, je ne veux pas vous raconter. D'ailleurs, même si j'avais fait des choses comme ça, je ne vous en le dirais pas. C'est quand même des choses qu'on mais dit. Mais normalement, pas. Vous le faites pour la République. Oui, bien sûr. On m'a toujours dit qu'on n'a jamais tué quelqu'un si on ne l'a pas tué au couteau. Vous voyez ce que je veux dire ? Facile de rafaler quelqu'un. Et au couteau, et la viande qui résiste, le muscle qui se découpe, vous voyez ce que je veux dire ? La vie s'en va par la lame, c'est des choses qu'on essaye de vous dire, comme ça. Mais moi, c'est des choses que je trouve horribles, mais s'il est évident que Si vous ne tuez pas votre ennemi, il vous tuera. Que vous inspire aujourd'hui, réponse rapide, parce que j'en ai encore malheureusement beaucoup de questions, que vous inspire aujourd'hui le climat de lutte antiterroriste dans lequel on vit? Ce n'est pas du tout superposable à ce que l'on vivait à l'époque de François Mitterrand? Non. De toute façon, je ne suis pas assez au courant de nos forces spéciales, puisque les chefs actuels ne sont pas forcément mes amis. Mais il y a toujours des bons éléments partout. Maintenant, la lutte actuelle, c'est beaucoup du cinéma. Notre président actuel, si lamentable, est tellement à chercher d'exister d'une manière ou d'une autre que, de toute façon, avec son escorte de... plus ou moins vaseuse, il joue au grand guerrier et dénonce les trucs. Il ruine même le combat en faisant des annonces idiotes, en faisant des provocations. Mais c'est quoi les provocations? C'est l'état d'urgence? Vous estimez que c'est déplacé, par exemple? L'état d'urgence, on est en urgence depuis longtemps, mais personne ne veut en tenir compte. Bon, maintenant, on sait que si vous voulez rien faire, vous faites rien. Puis la France connaîtra ce qu'ont connu les pieds noirs en Algérie, les types qui viendront les virer de leur appartement, tuer les gens, violer les femmes, avec des kachnikovs qui ne savent même pas. Nos compatriotes ne savent même plus tuer un poulet. Alors vous vous rendez compte, quand vous allez avoir des trucs comme ça, parce qu'on va l'avoir. Les bagnoles qui explosent, tout ça, c'est très bien quand c'est la France, mais quand ça sera là, on sera peut-être un peu moins content. Maintenant, les choses, elles sont qu'on sait. On a toute une liste, mais c'est tellement de gens, il y a tellement de gens. Et puis encore, on ouvre toutes nos frontières, on laisse entrer là maintenant. Donc il y a le nombre qui joue aujourd'hui. Mais oui, mais il faudrait... Vous savez, De Gaulle, lui, il avait fait un camp de concentration, il n'avait pas hésité. C'était Saint-Maurice Ardoise, si je me souviens bien. Dominique Hérulin, vous revenez en France donc après la mort de Mitterrand. Là, vous vous attendez normalement, il reste malheureusement 2 minutes, mais vous attendez à un procès, à quelque chose. Absolument. Et il n'y aura rien. Vous avez eu un accident de parachutisme juste avant, vous êtes perclus de douleur. Et alors on vous laisse crépir, si on peut dire, au fin fond d'une arrière-salle. Il ne se passe rien. Ça, c'est quand même... Aujourd'hui, vous n'avez pas obtenu réparation, ni Légion d'honneur, ni quoi que ce soit. Mais il y a beaucoup de gens qui pensaient que je deviendrais d'un seul coup quelqu'un qui serait félicité sur le... Mais ben non, il n'y a rien. Mais l'histoire a passé maintenant, on peut... Oui, mais non, mais c'est bizarre, je n'ai pas de contact. En fait, je ne les cherche pas non plus. Et apparemment, tout le monde s'en trouve bien qu'on oublie cette affaire. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est exactement d'entendre chanter les louanges de Saint Mitterrand, ce personnage cabreux qui était prêt à toutes les compromissions pour assurer son... son petit passé, parce que de toute façon, je veux bien, si c'était le meilleur de notre passé, c'est chiant pour la France. Bon. Et il y a des parachutistes qui sont... des militaires qui sont morts sous une avalanche? Écoutez, je suis toujours un peu hostile à l'entraînement poussé complètement de façon un peu ridiculement forte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très bien de faire des loups, des gens surtout, parce que si vous vous envoyez après ces gars au Mali par 50 degrés avec des équipements obsolètes, faire un combat qui n'est pas le nôtre, ils vont souffrir. Bon, il faut des gens résistants, c'est pas la merci de tout le monde. Et maintenant, à l'entraînement, je sais qu'on a surpassé les gens, faire des courir tant de kilomètres. C'est trop intense aujourd'hui? Ça a toujours été comme ça, en fait. Oui, c'est pas vous qui dites le contraire. Non, quand on avait nos stages commandos ou autres, on devenait maigres comme des loups, mais on était résistants comme des loups également. Mais ça ne veut pas dire qu'on était en bonne santé, parfaite. Vous comprenez? Voilà. Merci d'avoir été avec nous, Dominique Hérulin. Gibier d'État, mais 14 années de cavale pour échapper aux barbouzes de François Mitterrand. On n'écrira pas la fin du film de Georges Lautner sur la musique d'Ennio Morricone, puisque justement la fin, il n'y en a pas, puisque vous êtes parmi nous. Et donc, c'est une autre fin que vous avez écrite. Merci d'avoir été notre grand témoin ce matin. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.